Bienvenue, très chers auditeurs, à ce 7e épisode de Geekorama. Mon nom est Daniel Vaillancourt. Et moi, c'est Dominique Jean. Et bienvenue au 7e épisode de Geekorama. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment ça va, Dom? Super bien, toi? Et moi, je suis très content d'être retour au micro cette semaine. Yes. Ah, cette semaine, en fait, peu importe. Ah, c'est intemporel. C'est moi, je capote. Là. Écoutez, je sais pas quoi dire. On a upgradé notre stuff. Chose est sûre, vous allez voir une belle amélioration au niveau de l'audio. Oui. On est très content. On s'est grillé de ça. C'est débile. On est content. Ouais, on est fiers de ça. Puis on espère que ça va paraître dans vos oreilles en ce moment, puis tout ça. Dom, comment ça va, Dom? Ça va super bien, Colin. Yes. Ah non, c'est fou. épisode 7 de Geekorama. Oui. Écoutez, on a un beau petit programme pour vous. Première des choses, je tiens à remercier les 7 ou 8 personnes en ce moment qui ont participé à notre concours. On fait un concours là où on se parle. Je fais tirer un album de Black Mage. En fait, c'est le dernier album qu'ils ont sorti. Oui. Black Mage. Ouais, mais c'est Darkness and Starlight. Ah, okay. C'est vraiment leur dernier qu'ils ont fait sur le label de Nobuo Uematsu. Après ça, lui, il a passé à autre chose, littéralement. Il a fait un autre band qui s'appelle The Urban Papas. C'est super bon également. Sauf que, c'est ça, bon, Black Mage maintenant est mort. Il y a quelques membres aussi de Black Mage qui sont rendus avec The Urban Papas, donc je trouve ça vraiment triste. C'est pour ça que je vous fais tirer, dans le fond, je fais tirer cet album-là à nos fans, tu sais, à tout le monde qui nous suit. Puis ouais, je trouve ça bien. En fait, veux-tu savoir l'histoire en arrière de ça? Ah oui, en fait, c'est que la vraie histoire, c'est que je me suis commandé la discographie dernièrement sur eBay. Je les ai tous, donc du 1 au dernier, il y en a 3. Puis j'ai fait une erreur de commande à quelque part, ok? Je n'ai commandé un du Japon, ou de Chine, je suis plus sûr. Puis le gars, eBay m'a recontacté pas longtemps pour dire qu'il y avait un litige sur mon compte. Là, je fais comme, c'est quoi le rapport? J'avais pas donné de paiement sur cet album-là. Puis moi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être cliqué une mauvaise place. Je sais pas, faudrait que je check, mais... En tout cas, finalement, le gars, il me réécrit, il dit « Ouais, ce serait le fun que tu le payes, tu sais. » Fait que je me suis dit « Garde, ça pourrait être une belle occasion, justement, de... » Parce que je l'ai réécrit pour lui dire « Ouais, je peux-tu canceller le paiement? » Il dit « Non, pas vraiment. » J'ai dit « Bon, OK. » Pas chier, mais je sais que cet album-là, ça s'en va direct pour nos auditeurs. Je savais que j'allais faire un concours avec ça. Fait que j'ai dit « Bon, regarde, on va prendre cette occasion-là pour le faire. » Donc, c'est ça pour ceux qui n'ont pas vu mon post sur le site de funjouerjeux.ca. Autrement dit, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur l'onglet musique Geekorama. J'ai fait un post, c'est concours Summer Dance 2013, capoté, on a fait la même. J'ai mis ça, en tout cas, pour que ce soit, que le monde fasse comme what the fuck, puis qu'il clique là-dessus. Ça tape à l'œil, puis ça a vraiment marché finalement, tu sais. Tout ce que vous avez à faire pour avoir une chance de gagner, c'est tout simplement de vous inscrire et même pas de vous inscrire, c'est juste d'écrire dans les commentaires c'est quoi vos jeux vos jeux qui ont la meilleure musique de jeux vidéo finalement. Fait que vous avez juste à écrire ça. Donc au moment où on se parle, peut-être là je suis en train de penser à ça. On est quoi? On est le 26? Je pense. Puis je fais le tirage le 1er juin. Fait que j'espère que le podcast va être disponible un peu avant pour que le monde ait le temps de s'inscrire. Bref. Fait que c'est ça. Allez sur la page du site, marquez ça dans les commentaires. Moi je vais choisir une personne au hasard, puis je vais faire le tirage. Soit dans un podcast éventuel. Ou c'est ça. Bonne chance. Ouais. À tous. Yup. Fait que c'est cela. Il y a une belle petite découverte aussi. Oui. Tu me montres là. Oui. Je t'ai rendu jaloux. Ben, hey, pas jaloux. Tu m'as rendu content. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme Steam. Quand tu découvres Steam. Tu découvres Steam, tu veux plus rien à. Tu veux plus rien d'autre, sauf que c'est hot en Asti. Dans le fond, moi, c'est Sébastien qui m'avait montré ça sur Facebook. Il m'a envoyé un message. Puis c'est le site Retro Game Music Bundle. .com ou aller sur Google, taper ça, bref. C'est vraiment cool comme site, honnêtement. Ouais, c'est vraiment nice. Très bien pensé. Ouais, c'est un peu comme justement Bow Bundle, tu sais, ce qu'ils font avec les jeux, mais là, c'est pour la musique. Tu sais, puis n'importe quel type de musique. Tu donnes ce que tu veux, puis tu as certains niveaux là, de l'argent que tu peux donner. En même temps, tu donnes une pièce, t'as tel album, tu donnes 10 pièces, t'as d'autres choses. Puis je pense que si tu donnes 100$ et plus, là, t'as des affaires. Je pense que t'as une affaire personnalisée. Ouais, ben c'est ça. C'est que, mettons que t'es dans les top d'honneur, tu sais, il y en a qui donnent, mettons, 100$ ou whatever. Ben, eux autres, ils peuvent avoir justement des choses spéciales. Comme exemple, si t'es dans les top 3 de ce bundle-là qui est là, parce que là-dedans, t'as des soundtracks, mais entre autres, t'en as une de Duke Nukem 3 et 2. Ben, écoute, t'as John St. John, la voix de Duke Nukem, lui-même, qui vient te faire un message spécial à toi. Si t'es dans les top 3, t'sais, meilleur donneur, t'sais, c'est cool, hein, Chris. Je veux dire, le gars a pris le temps quand même. Je sais pas si c'est le site qui l'a contacté personnellement ou je sais pas comment que ça s'est arrangé, mais je trouve ça tellement génial. Tellement génial, je veux dire. Tellement de bonne idée. T'as Duke Nukem en personne qui vient te faire un message à toi, là. Je sais pas si tu lui dis, toi, fais-moi tel message, mais c'est lui. Ouais, je sais pas. D'après moi, c'est toi qui lui dis de faire tel message. Bref, c'est une autre bonne idée. Ah, man, écoute, c'est incroyable. Je suis vraiment, vraiment content. Merci encore, Sébastien, mon collègue sur FunJouerJeu, qui m'a montré ça. Puis moi, j'ai montré ça à Dom, puis je sens que vous allez l'entendre parler encore. D'ailleurs, j'ai acheté justement. J'ai fait un don d'un dollar sur le site pour avoir des soundtracks. J'ai eu, entre autres, celle de Myst, celle de Duke Nukem. J'ai eu Sirian, qui je pense est un schmop. Okay. Entre autres, t'en as vraiment le coup de tous les goûts. Man, j'ai tellement hâte de tout écouter ça. Jazz Rabbit 1 et 2. Fait que non, écoute, allez là-dessus. Comment ça s'appelle encore, mon dom? C'est Game Music Bundle. Yep, Retro Game Music. Retro Game Donc, Music Bundle. Allez là-dessus, dépenser comme des fous, je trouve ça vaut vraiment. C'est limité, par exemple. Ouais, c'est comme ça. Là, je pense qu'il restait 10 jours, comme t'es allé voir la dernière fois. Ouais. Fait que je sais pas si après les 10 jours, ça va tu vas pouvoir réacheter tout. Ben, ça va être encore disponible à l'achat, ou bien il va y avoir du nouveau. D'après moi, ça a du nouveau stock. Ouais, ça va être du nouveau stock. Mais je sais pas si on peut racheter ce bundle-là. De ce que j'ai vu, du moins, ça a l'air pas mal le bundle. Tu peux acheter ça pour l'instant, mais quand tu t'en vas sur leur page Facebook et Twitter, t'as des liens anciens qui ont posté comme ceux de BitTrip. Okay. Quand j'avais cliqué là-dessus, ça disait ce bundle est terminé. Okay. Mais comme je pouvais voir, tu peux quand même mettre des certains montants pour l'avoir. Donc j'imagine que oui, tu peux les acheter, mais de ce que j'ai essayé, c'est assez difficile. Là, fait que sûrement, mais bon. En tout cas, allez voir le site, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ensuite, cette semaine, on s'est décidé. Ben, en fait, c'est une idée de Dom. C'est vraiment une initiative de Dom, je tiens à le souligner. parce que j'ai l'air à parler souvent, puis j'ai l'air à dire bien l'affaire. Mais écoute, Dom, il a amené son idée, puis écoute, je suis content. C'est toi qui as amené ça. Je trouve que ça amène un peu de diversité aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis tu sais, c'est pas juste de parler justement de jeu ou quoi que ce soit. T'sais, on a un podcast de musique. Puis, on voulait justement souligner quelque chose qu'on a observé, toi puis moi. Donc, dans le fond, c'est une discussion cette semaine que Dom a amené. Fait que, écoute, si tu veux starter ça, mon homme, vas-y. C'est une discussion sur l'ampleur, comment la musique de jeux vidéo prend de l'ampleur de nos jours. Moi, je trouve que c'est très important dans un jeu d'avoir de la bonne musique. Ah, exact, totalement. Ce qui me permet de me rappeler d'un jeu, surtout les jeux de Super Nintendo, c'est la musique. Si le jeu il y a une musique de merde, ben tu vas t'en rappeler, mais c'est pas pareil. Les Megaman classiques, Megaman X, ce serait pas pareil sans les tunes qu'ils ont joué. Ce serait des jeux qui seraient super quand même le fun, parce que le gameplay est trippant. Mais c'est vraiment un combo un pour un, je trouve. Tu peux pas avoir un sans l'autre. T'sais, tu joues à Megaman sur mute. Probablement que ça fait longtemps que soit que tu joues au même niveau que tu étais carré de la musique ou vraiment parce que ça te tente. T'aimes pas la musique de jeu. Mais un gamer qui aime pas la musique de jeu, ça arrive. Oui. Mais tu sais, je veux dire, un moment donné, tu t'en rends compte. Tu l'écoutes, puis. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, je prends l'exemple encore des Megaman, chaque boss, chaque niveau a son propre tableau. Fait que moi, aussi, quand je les écoute, ça me permet de me rappeler de tel moment du jeu. Puis tu sais, c'est vraiment souvenir. Important. Ouais, c'est ça. Je trouve que les jeux indépendants aussi, ils montrent bien l'exemple en donnant la maudite bonne musique de nos jours. Je prends exemple Super Meat Boy. Ah, man, oui, Braid, c'est sûr. Hotline Miami. Braid a tellement. Oh, ils ont tellement de la musique débile. C'est fou. Super Meat Boy, je suis amplement d'accord avec toi. Ils ont tellement bien réussi leur soundtrack de jeu. C'est fou. C'est un peu à la Megaman, je trouve, Super Meat Boy, parce que le jeu est dur. Mais d'un premier niveau, la musique est tellement écœurante que ça donne vraiment l'impression que tu joues à Megaman. Là. Ben, tu trouves-tu que Megaman a influencé justement la musique de jeu? Qu'est-ce que tu penses de ça? T'sais, on parle tout le temps de Megaman, tout ça. Mais je trouve que depuis qu'ils ont arrivé, t'avais Mario qui avait quand même une soundtrack incroyable. Oui. Mais Megaman est sorti avec une espèce de ben, c'était rock, catchy. Là. C'est ça, c'était catchy, puis c'était des beats de bass, tout ça, puis du drum. Tandis que Mario, je compare tout le temps ça du piano. T'sais, tu peux facilement faire ça sur du piano. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça a eu une influence énorme tant que ça? Je sais pas si ça a eu une influence vraiment sur, en tant que tel, les compositeurs de jeux vidéo, mais c'est sûr que ça a eu une influence sur... Prends YouTube, puis il y a tellement de monde qui font des remixes, des covers de toutes ces chansons-là, il y en a... Il y en a un paquet, là. Ah oh, oui, c'est incroyable. Effectivement, oui. Ouais. Mais je trouve que chaque... de nos jours, chaque jeu qui sort devrait avoir la bande originale disponible. Tellement. Que ce soit sous le site officiel, que tu peux l'acheter. Moi, je trouve que c'est primordial. C'est essentiel. C'est essentiel. Puis c'est dole parce qu'ils mettent... Souvent, ils sont durs à chercher, je trouve. Ils sont durs à trouver, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas à chercher. Des fois, il y a même pas de CD, carrément. Il y a rien, tu sais. Non, exact. Pourtant, il y a qu'un petit lien. Tu sais, t'achètes le jeu, t'as un lien pour aller acheter la soundtrack. Moi, j'adore ça. Une édition spéciale, un peu. Sauf qu'il faut se dire aussi que c'est pas tout le monde qui aime la musique. Oui, c'est sûr. Moi, j'écoute quasiment avec ça. Parce que ça réunit plein de genres, plein de styles de musique. Parce que t'as des tunes qui ressemblent à du metal, t'as des tunes qui ressemblent à du jazz. Non, et t'as des tunes que, tu sais, il y a un chanteur, c'est comme un band. Tu sais, t'écoutes ça, puis tu penses pas sur une tune de jeu. Mais non, c'est que tu fais découvrir ça à quelqu'un, puis tu domineras pas. Exact. Fait que pour ça, moi, je trouve ça vraiment cool. Je suis d'accord sur... D'ailleurs, je suis d'accord avec le fait que ça devrait être plus accessible. Puis si y a quelque chose que je vous conseille aussi, je sais pas si je n'avais parlé dans l'épisode précédent là, des trucs faciles pour aller chercher des OST. Je pense que j'avais parlé d'iTunes puis tout ça. On l'oublie souvent, mais SoundCloud et Bandcamp sont tellement la place finalement pour aller chercher des OST. Je sais pas si t'es allé en chercher une couple. Oui, un bon exemple là, de Jake. Jake Kaufman. Lui, le compositeur de Blood Drain Betrayal et de Double Dragon Neon. C'est là que j'ai pris ses OST. Ah, c'est génial. Ceux-là, Double Dragon Neon, tu peux donner l'argent. Si tu mets 0, mettons, tu mets 0$, t'as un lien qui apparaît de download, tu le télécharges. Sinon, si tu mets 1$ et plus, ben là, t'as comme tu peux laisser un message en même temps. Ouais, c'est ça. Non, moi, je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve ça bien fait. Oui. Surtout que, moi, j'avoue, j'ai pas vraiment donné. Je les ai téléchargés et je les ai pas payés. Mais j'avoue qu'une pièce, c'est pas cher à payer pour coûte une trentaine de chansons qui, ma foi, non seulement ont. Tu sais, il y a du travail en arrière de ça. Je prends celle de Double Dragon Neon, c'est pas juste des bruits de nerfs. Non, il y a du stock. C'est une bonne production, je veux dire, il y a des chanteurs, des chanteuses, il y a beaucoup d'arrangements. Puis tu sais, c'est ça, les chansons originales de Double Dragon qui ont été remixées là-dedans, c'est génial. C'est vraiment une production qui est vraiment studio, je sais pas comment ça a coûté. Mais non, ça va à peine. Je me sens cheap. Je me sens cheap. Moi qui est tant fan de ça. Mais bon, il nous l'offre gratuitement aussi en même temps. Puis pourquoi pas? Moi, j'en fais découvrir à tout le monde. C'est ça. J'en parle au monde. Puis ouais, c'est ça. Custom. C'est ça, la musique, ça peut être gratuit, puis c'est correct. Parce que ça fait connaître. Ça fait connaître le jeu, ça fait connaître les chansons, puis l'artiste. Fait que ça plaît de positif. Des shows comme exemple Symphony of the Goddess, ça il n'a pas assez de ça. T'sais, des fois, ils viennent à Montréal, Québec, je pense. Ils viennent d'ailleurs prochainement Symphony of the Goddess pour une deuxième édition. De ce que j'ai compris, c'est carrément une nouvelle édition, donc il va y avoir du nouveau stock. Ça va ressembler, moi je dis que c'est sûr, ça peut pas être tant différent que ça. Sauf qu'ils veulent ajouter des petits trucs justement, ils ont écouté les fans. Puis honnêtement, je vous le conseille fortement. Moi j'avais été là avec Nico, un autre chum l'année passée. J'avais tellement aimé ça, dude, là. C'est majestueux, littéralement. t'as manqué de quoi. J'aurais aimé ça que tu sois là aussi, man. Non, c'était débile. Vraiment hot. Sans aucun doute. Ah, oui, effectivement. Fait que. Donc, finalement, on peut commencer le bloc 1. Ben, pourquoi pas? Ben oui. Écoute, première toune, qu'est-ce qu'on a, mon Jackie ben, Boy? Ben écoute, on en a parlé tantôt, on va s'en remettre dans le mood. C'est une toune de musée de Double Dragon Néon. C'est City Streets de Mango Tango. Neon Jungle. Neon Jungle. Je trouve que le titre est court. Je l'aurais fait plus long, moi. Ouais. Ouais. Oh man. Hey, cette toune-là, je l'écoute, ça fait une semaine, moi. C'est tellement ma toune. Ouais, ben, du moment, là. Quand tu files pas, quand t'es morose, quand la vie. Écoute, t'écoutes cette toune-là. C'est 70s, c'est des années 70 à son meilleur. Ça fait tellement, justement, ça. T'écoutes ça, puis tandis que t'en retournes dans le temps, là, ça fait tellement que le jeu. Hein. Les paroles commencent, tu sais. It's a Saturday night, ouais, the dance c'est floor. C'est pas un gars qui chante en passant, c'est une fille. C'est une fille, mais. Ah! Ça, c'est efficace. Le clavier, justement, années 70, là-dedans, qui fait un peu de. Pas de Ren Duran, mais quasiment David Bowie style. Ouais, ça. Moi, cette tune-là est vraiment incroyable. Elle fit vraiment avec le jeu. Ça. Mais toi, est-ce que ça te dérange? Est-ce que t'as une préférence entre les. Si c'est un gars ou une fille qui chante? Est-ce que ça. Moi, personnellement, autant que ce soit un gars qui chante qu'une fille. C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment prêté attention. Je sais pas si ça turn off du monde quand c'est une fille qui chante, juste un gars. Ouais. Ouais, ben. Ça pourrait être une future discussion. Ça peut. Ouais, c'est une crème de bonne question. Puis sais-tu, j'avais jamais pensé à ça. Moi, ce que je trouve hot dans les filles qui chantent des tonnes de jeux vidéo, c'est que je trouve que ça brise un peu l'espèce de stéréotype autour des filles et des jeux. C'est pas parce que t'es une fille que nécessairement tu ne joues pas à des jeux ou que tu peux même pas encore. Tu sais, je trouve ça. Non, même que je trouve. Non, je trouve ça cool. Parce que la fille qui va chanter sur une track de Double Dragon, man. C'est comme, t'es mon idole, là, je veux dire. T'es hot, chante tellement bien. Puis vraiment, puis la toune est bonne. Puis même de là, techniquement parlant, c'est rien qu'une toune. Là, ça veut pas dire qu'elle chante dans toune que c'est une gameuse ou elle joue. Si oui, ça, c'est encore mieux. Mais sinon, c'est juste une bonne toune, finalement. Là. Puis ben, elle prête sa voix, elle prête parfaitement bien. Puis je veux dire, elle va écouter son œuvre après, autant que dans le jeu que pas dans le jeu. Ça s'écoute tellement bien. Fait que moi, non, j'ai pas de préférence. D'accord. Bon, mais, non plus. Oh, on va garder ouais, on va s'en stock garder pour une prochaine discussion. J'aime ça, j'aime cela. Parfait. Hey, donc la deuxième toune. Donc, sur Facebook, Twitter, dernièrement, on a eu du monde. Hey, on veut du Mega Drive, du Genesis. Là, on niaise parce qu'on aime ça faire des petits bruits. Mais non, en fait vous avez été quand même nombreux à nous demander de Genesis. C'est vrai, hein? Vrai, ben, c'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup, mais là, on vous a gâté. Ouais, on vous a gâté un peu. C'est bon. Puis moi, on s'est gâté. Puis oui, regarde, la musique de Genesis, on n'en parle pas assez. Je trouve que elle vaut à peine. Comme je le disais, c'est sûr que c'est peut-être pas ma préférée, mis à part les tunes de Sonic. Moi, les tunes de Sonic, ça me fait capable. Mais ça dépend. Il y a des tunes, des jeux qui sont sortis, mettons, sur Super Nintendo puis Genesis. Puis des fois, ils ont sorti un peu la même tune. Puis souvent, ça sonne mieux au Super Nintendo. Ouais, c'est vrai. Ça dépend des jeux, comme je te dis. Ça dépend pas vraiment. Tout. Mais les exclusivités, règle générale, vont sonner vraiment mieux. Au niveau du son, du moins. Mais ça veut pas dire qu'il y a du mauvais stock. Par exemple, je pense que le jeu qu'on va vous parler est probablement le meilleur exemple de qualité Genesis. Oui, je parle bien de Castlevania Sinking Old Sanctuary de Castlevania Bloodline. Man! Très bon choix. Moi, je pense que je l'avais déjà entendu, mais j'ai jamais joué. En fait, il y a eu des remixes. Bon, encore, il y a eu beaucoup de remixes de ce tune-là. C'est là pourquoi que tu l'as entendu. Typique de Castlevania, Dieu sait qu'il y a eu des remixes. Des remixes, il y en a eu. Entre autres, on parle de le jeu sur la Wii qui avait sorti de combat. Judgment. Merci. Harmony of Despair. Je suis pas sûr, je me souviens plus. Harmony of Despair, je pense pas. Non, je pense pas. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes tunes sur Harmony of Despair, on vous le dira jamais assez. Mais par contre, la soundtrack de Bloodlines, ça, vois-tu, c'est ça qui me faisait triper dans le temps avec Castlevania, c'est que peu importe le jeu, peu importe la console, la musique et l'ambiance va être au rendez-vous. C'est ça qui était le fun avec Castlevania dans le temps. Même au Genesis, les développeurs se sont dit « Non, on met pas ça de côté. On va faire quelque chose qui va épater la galerie. » Et ça a réussi. C'est ce qui manque à Lord of Shadow 2. Castlevania, Lord of Shadow 2, Mirror of Fate. C'est un peu comme c'est un peu comme Dragon Neon, City Street 2, Mango Tango, Neon Jungle. Ouais. C'est un petit peu long. Pensez à mettre des titres plus courts. C'est ce qui manquait vraiment. Mais j'ai pas encore écouté la toune de crédit de fin de justement Mirror Fate Primary parce que je l'ai pas fini. J'ai pas l'intention de finir. Je vais probablement l'écouter sur YouTube. De ce que c'est de valeur parce que tu sais, quand tu joues puis la musique est relativement absente, il y a de l'ambiance, oui, mais rien qui va te motiver à continuer. Ouais, c'est ça. Puis ma relation avec Castlevania n'a pas été bonne justement à cause de la musique. Tu sais, on en parlait tantôt, puis oui, ça a une influence. Oui, ça, pour moi, ça fait en sorte que je veux continuer à jouer parce que j'écoute de la bonne musique, puis c'est pas juste une question d'écouter, c'est mental. Tu sais, on est dans un univers, tu sais, on est dans un château, c'est dark, c'est noir. Faut que la musique soit bonne. Faut que la musique soit présente puis mise en avant parce que, tu sais... Tu perds ton audience. Tant qu'à moi, tu perds ce que tu veux dire. Tu as un message à faire passer, tu as quelque chose. C'est pas juste du gameplay, c'est la musique aussi. C'est important. Oui, c'est important. Puis c'est ça, un maudit bonne toune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, mon petit Loupio? Voilà ça. On a Jazz Rabbit, le premier du nom, Diamondus. Diamondus. Diamondus. Ou quelque chose dans le genre. Ouais. C'est une que je t'ai fait découvrir, ça, je suis content quand même. Une bonne toune. Ça a été fait par. Ce jeu-là a été fait par celui qui a créé Gears of War, la franchise Gears of War d'Epic Games, qui est parti, M. Cliff Blinzitsky. C'est quoi qu'il y a un mot du nom de famille à coucher dehors? J'ai joué à ce jeu-là quand j'étais petit. Vraiment. C'est un des premiers jeux qu'on jouait à l'ordi, puis on a joué aux démos. C'était, dans le fond, on avait le trial. On a passé le trial, je pense, 20 fois. Fait que je suis tellement content qu'on parle de ce jeu-là, parce que c'est vraiment un jeu de mon enfance. Parfait, ça. Yes. Fait que, un petit reminder, mon Johnny. Oui, fait que la première, on a Double Dragon Neon City Streets 2, Mango Tango Neon Jungle. Castlevania Bloodline Sinking Old Sanctuary et Jazz Rabbit premier du nom Diamondus. Oh yeah. pour le bloc numéro 2 maintenant. Oui. Mon très cher Dom, nous allons nous attaquer à quel jeu? Nous avons River City Ransom. Et la chanson, le nom, c'est Running Around the City. Cours autour de la ville. Vas-y, cours. Cours autour de la ville. Cours autour de la ville. Fais-le. Jamais joué à ça. Non, oui, un peu. Ah ouais, t'as joué un peu? Ouais, c'est un jeu de NES? C'est un beat'em up. OK. Vraiment trippant. Ça fait penser, si je me rappelle bien, il me semble que c'est un peu comme Double Dragon. De ce que j'avais vu. Ben, attends, c'était pas facile. Si je me trompe pas, dans Abobo Big Game Adventure, il y avait un bout que c'était ça. Mais je suis pas sûr. Ça se peut très bien. D'ailleurs, Abobo, il faudrait que je... j'avais déjà joué, je me rappelle, je l'avais pas fini. Non, moi non plus. J'étais rendu au dernier stade, là. Ah, il était très difficile. Il fallait que tu battes... c'était comme un jeu à la Punch-Out, justement. Ouais. Tu battais... comment il s'appelait? Big Mac, finalement. Fait que, c'est très le fun. Pour un jeu Flash, c'est très le fun. Pour revenir à River City Ransom, c'est-tu la toune thème, hein? Je pense que oui. Ben, nous autres, c'est une marque de commerce. On fait notre renommée. On est grands spécialistes des stages, hein? Exact. 1 du 1. 2 du 2. 3 du 3. 4 du 4. 5 du 6. Pour une fois, une mélodie accrocheuse. On veut pas du NES. C'est tout le temps ce qu'il y a de meilleur. On aime ça. Numéro 2 maintenant, on a Blood Drain Betrayal du nom. Betrayal. Hey, merci de m'avoir fait découvrir ça. Ça fait plaisir. Caroline, que ça touche. Ça fait partie de mes mêmes découvertes, mes mêmes téléchargements quand j'avais téléchargé la soundtrack de Double Dragon. J'ai remarqué qu'il y avait Blood Drain Betrayal. Puis moi, j'ai pas eu des bons souvenirs ben de jeu là. Surtout parce qu'il était dur. Puis bon, on se le cachera pas, malgré que les jeux sont excellents de WayForward, j'ai aucun problème. Un moment donné, ils viennent quand même assez difficiles. Tu sais, pis t'as dur, pis t'as frustrant. Un moment donné, Blood Drain, là, ça m'avait comme fâché. Là, j'étais comme, Chris, tu me niaises-tu, là, c'est... C'est trop. Oh, regarde, là, j'étais vraiment écœuré. Fait que j'ai comme fait, fuck this game. Par contre, est-ce que le gros plus de jeu, là, c'est que c'était un beau petit clin d'œil à Castlevania, tant qu'à moi. T'avais non seulement l'univers dragon, tu sais, t'étais une vampire, t'sais, la fille, c'est, je pense que c'est Blood Drain que t'incarnes, donc c'est vraiment la Castlevania. La musique est juste malade. C'est juste, t'as des clavecins, t'as des pianos, t'as du gros rock, le métal. Ben, c'est le gars de Double Dragon Néon, tu l'as-tu dit? Oui, Jeff Kaufman qui a fait ça. Désolé. pas de problème. Mais ouais. Et que c'est vraiment cool. À part ça, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ben, que ça sonne bien maudit, puis ça me fait penser un peu à Guilty Gear. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on savait. Style musical, là. Un peu le même genre, puis. J'aime ça quand ça me déplaît pas, ouais. Tu sais, parce que c'est ça qu'on disait, t'as la musique conventionnelle, puis t'as les bands. Ouais. Tu sais, les deux ensemble, ou tu sais, soit un, soit l'autre, moi je trouve ça génial. Ouais, oui. C'est vraiment cool. C'est qu'on a après ça. Après ça, on a Street of Rage 2. Ghost Raid. Ghost Raid. Non, mais c'est tout. Tu sais, c'est clair. C'est ça, on va le mettre en avant. Pas de l'avant, là, ouais. Ouais. La flèche à côté, là, ouais. Là. Va te faire péter la gueule, là, ouais. Ah, mais ça dit tout ce que ça a à dire, en fait. Parce que, en plus, c'est rythmé, c'est... Ben. Tout est là. Ça aussi, ça a une espèce de pas un look, là, mais ça sonne un peu justement à l'année 90. Ouais, exact. C'est ça. C'est que ça... Ah, moi, je capote. Ça me fait vraiment triper. T'avais-tu joué à Street of Rage? J'ai joué, oui. T'as le fun, hein? Oui. Attends, ouais, je pense que c'était le meilleur, c'était celui-là. C'était justement un jeu de Genesis. Ouais. Pour nos fidèles auditeurs qui nous avaient réclamé Genesis. En vous allez être servi. Je pense d'ailleurs c'était monsieur Giga Nicolas Lavertu sur Fun Jouer Jeu, sur un de nos auditeurs qui nous avait suggéré ça. Fait que ouais, j'avais joué, mais ça fait longtemps. Tu te souviens du collector? Ben, pas le pack de collection, je pense que c'était Sonic Collection. Ah, sur PS3, ouais. C'est Sonic Mega Collection. Mega Collection, puis t'as un paquet de jeux bon là-dedans. Ben, il y a les 3 Street of Rage. Ouais, ben voilà. Les Golden Axe. Les Vector Man. Les Sonic. Oui, t'as Echo the Dolphin. Hey, comment ça s'appelle? Alter Beast. Ah oui. Faudrait qu'on en mette. La musique était bonne. Le Stage 1, justement. Là. Mais c'est parce que on rit de ça, moi, puis dedans, parce que maintenant, quand on arrive dans le jeu, tu sais, justement, tu pètes des espèces de cochons, des animaux bleus. T'as des upgrades. T'as des orbes, là. Quand tu pognes l'upgrade, il devient full musclé, puis il dit Power Up. Fait que ça te fait rire. C'est comme juste... C'est du gros cheesy SNES, là. Ouais. Tu sais, il essayait de mettre des sons et des voix dans le temps, puis ça sonnait le cul, mais... Power up! Tous ceux qui ont joué savent de quoi qu'on parle, donc... Sinon, ben, allez jouer, c'est... fait que ouais, Street of Rage était dur, par exemple. Ouais, était pas facile. Mais c'était moins pire que Double Dragon. Double Dragon était tellement plus dur, mon gars. Je sais que t'avais un spécial, je pense, dans Street of Rage, je pense que tu pesais sur... Sur un piton, puis tu souhaites que tu collais, mettons, la police. Ouais, puis tu tirais une grosse roquette. C'est ça. T'en avais un autre que c'était... Mais je pense que pour chaque jeu, il y en avait un différent. Ouais. Mais, tu sais, je me souviens plus du premier en tant que tel. Moi non plus. Je me souviens plus des deux autres qui étaient franchement meilleurs. Mais non, chose est certaine, là, c'était... on a eu bien du fun à ça. Les beat'em up, j'aime ça. Mais je me suis rendu compte que Double Dragon Neon m'a tellement plus tenu en haleine que les autres. Peut-être parce que c'est drôle, puis que les couleurs étaient tellement le fun là-dedans que... Je sais pas, mais moi, à un moment donné, Street of Rage, je venais que je m'endormais là-dessus. Moi, j'étais comme... C'est pas pareil. Tu sais, quand il est tard, puis là, ton chummy est vraiment trop crinqué, puis là, je joue, puis je suis comme... Non, c'est ça, c'est vraiment pas pareil. Mais la bande originale, veut pas de Double Dragon Néon, est assez exceptionnelle aussi. Ce jeu-là, il est juste fantastique. Je vais en parler je vais en reparler à un moment donné, là. Je vais faire une critique de ce jeu-là, c'est tellement hot, là. Je m'attendais pas à ça. Une belle surprise. Yeah. Donc, on se fait un recap? Whip. Fait que, la première, c'est River City Ransom, Running Around the City. Après ça, on a Blood Rain Betrayal de la compagnie Way Forward. Et on a la chanson Betrayal. Et la dernière, c'est Ghost Ray de Street of Rage 2. Mega Drive dans ton... Bloc numéro 3. Excuse-moi, on a parlé en même temps. Oh, mais quel addon. Génial. Fait que non, bloc 3. C'est quoi en première, On a Battle Team du jeu Lunar. Oui, c'est excellent ça. Oui, très bon. C'est vraiment bon. Lunar, ça se trouve à tête un RPG, si je me trompe pas, que j'ai jamais eu la chance de jouer. Ben, toutes les tunes de combat, une musique de combat de... En tant que tel, les jeux. Ben, ouais, c'est les RPG. Les RPG, c'est tout bon. Tout très, très bon. C'est rare parce qu'ils veulent te mettre un mood de fight. Ils mettront pas une tonne de jazz ou une tonne de pop. À part la tonne de combat, parce que ça, c'était vraiment du rock, mais encore là, c'était fait pour ça. Pour te donner du pep. Je pense que c'était dans Blue Dragon. Puis on l'avait mis. On l'avait-tu mis dans le show? Je pense pas. C'était vraiment une tune originale. Eternity, je pense que ça s'appelle. Ouais, c'était Eternity. Avec le gars de... avec le gars de Deep Purple, je pense. Ouais, exact. Avec le gars de Deep Purple, c'était hot aussi. Ou de... ouais, de Deep Purple. C'est juste fait pour te mettre dans le beat, de douter, ouais. de donner des coups de hache dans des gobelins ou juste de péter la gueule à des gens. Fait que, c'est que c'est hot. On aime tout ça un peu. Les ouais, mais ça. Dis-le. Oui. Oui. Écoute, en deuxième position, un jeu que j'ai pas joué non plus, mais que il est disponible, je crois, sur Mega Drive ou c'est Sega CD. Mega Drive. Mega Drive, ouais. Comment il s'appelle? Mega Turrican. C'est le thème. Ben, en fait, c'est le. Là, bien sûr, le tableau 1 du 1. Ben écoute, on est-tu célèbre, rien que pour ça, de mettre des tonnes 1 du 1 par une. Hein? Je pense qu'on va se faire des gilets pour on ça. On se fait tatouer. Ouais. C'est une fesse. Maudit que c'est le fun. Hey, j'ai jamais joué à ça, par exemple, mais qu'est-ce que ça a l'air le fun. C'est quelqu'un qui parlait justement de la série des Turrican. Il y en a sur de Super Nintendo. Super Nintendo, il y en a. Il y a Super Turrican 1 ouais, ou 2. Oui, oui, c'est il ça. Il y en a un qui vaut vraiment cher. Je pense oui, que c'est oui, le deuxième. C'est il vaut pas loin de 200$. Il y a ça de fou. Le premier vaut quelque chose comme 60$. On a fait la même. Il me semble, ouais. Mais je sais que le 2, c'est extravagant. Je l'avais vu d'une boutique, justement, je pense que c'est Sputnik que j'avais vu ça. Turrican qui était quelque chose comme là, 69,99, une patente dans le genre. Ah ouais. En tout cas, je pense que c'était plus. En tout cas, bref, les deux valent quand même assez cher. Ouais. Celui-là sur Genesis, sur Mega Drive, je sais pas. Mais chose est certaine, ça a l'air vraiment cool. Oui. Puis la musique est juste malade. Oui. Justement, le Mega Drive, il y a vraiment un son unique en son genre. Ouais, vraiment, vraiment. Puis j'ai pas eu l'impression d'écouter du Mega Drive, c'est drôle. Tellement que la toune est bien faite. Je dis pas que le Genesis est mal fait d'habitude, mais dans le sens que elle est bien orchestrée, elle est bien enregistrée, tellement qu'on dirait pas qu'il y a des samples de ça. Non. Fait que moi ça me fait juste capoter. Ouais. C'est vraiment bon. Oui. Yes. Qu'est-ce qu'on a après ça, mon pote chalou? Ben bien sûr. La prochaine, c'est Nefertiti. Du jeu Mana Kenya au PlayStation 2. Nefertiti, dans mes souvenirs, là, c'était un chaton dans Garfield. Ça se peut, il me semble que oui. Oui, ben je lisais beaucoup Garfield avant. Puis il y avait un petit chaton, genre, tout cute, qui s'appelait Nefertiti, Garfield Lace. C'est tellement inutile comme commentaire, t'as aucun rapport, mais. Bah, ça me disait ça. Quelque chose, fait que je me suis dit crime, je vais en parler. Hey, je te l'ai pas dit tantôt, mais Mana Kenya, man, j'ai acheté ça. Oui, en fait, je te l'ai dit tantôt. J'ai acheté ça au PS2 quand ça sortit dans le temps. Puis j'ai pas aimé ça. Non, ouais, mais c'est-tu un RPG ou. Ouais, c'est un JRPG. Ok, ok. Mais ça se passe dans une école. C'est excessivement. C'est un univers qui est très. C'est vraiment pour le hardcore. C'est pas un jeu qui est facile, que tu peux te retrouver tout de suite. Excessivement japonais. C'est la raison pourquoi je l'ai pas aimé. Puis après ça, bon, on s'entend, c'est un genre de tactique, mais c'est fucké. C'est parce que le gameplay, c'est pas le fun. Les combats, ils étaient juste pas terrifiants. Tu sais, c'est un jeu maintenant qui doit être d'un bac à. Je sais pas combien il vaut aujourd'hui. Ouais. Mais l'édition que j'avais achetée, elle, c'était vraiment une espèce d'édition collector, un peu avec le livret de la soundtrack aussi. Dans le temps, j'écoutais pas bien tant que ça de musique de jeu comme aujourd'hui, mais. Je me souviens pas qu'elle était awesome de même, par exemple, cette tune-là. Ouais, mais bon, au début, ça commence, ça, c'est tout doux, une petite mélodie, à venir, la guitare en bas, puis le drone, puis ça ben, ça claque. Justement, tu sais, on l'écoutait, Mané Don, il me dit, oh, attends, fais bien ça, avance-le un petit peu. Je fais comme, ok. Tu sais, c'est quand même assez relativement peinard, là. Tu sais, c'est pas à se péter les bretelles, Mané, mon homme, la guitare, clanche, là, ta-ta-ta-ta, les gros riffs, le drum, tout le kit. Je fais comme, oh! On s'attend pas à ça au on début. On se rapproche le plus, ben non, on prend tout. Puis surtout que je me souviens de l'univers, là, c'est vraiment, c'est super coloré, c'est super, genre, childish et pour les enfants un peu. Puis, tu t'imagines pas qu'il y aura une grosse. Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là qui ont des musiques de même, puis ça. On s'en attend pas, mais on fait le saut, c'est calin. J'en ai d'autres dans mon répertoire dans ce style-là, maintenant, on s'en fait écouter. Ah oui, il faut que tu nous fasses écouter ça. Je trouve qu'il en manque en plus des bonnes tunes de même. En fait, c'est comme, ça me fait penser à. C'est comme Guilty Gear. C'est toi qui m'as fait découvrir ça, cette musique-là. Je pensais jamais que. Tu sais, tu le regardes, ces étagères, tu sais. Tu regardes la pochette, tu dis, bon, c'est un jeu de combat. On va passer au côté, mais du monde comme nous autres, des. Music Game Hunters. Ouais, on c'est du vrai bonbon pour nous autres parce Colin, que, écoute, il y a tellement du stock là-dedans. Là. On pourrait faire un show qui s'appelait l'appeler de même. On pourrait s'appeler, ouais, on fait quatre shows s'appeler Guilty Gear. Nothing else but Guilty Gear. On aurait vraiment il y a du tellement bon du stock. Sérieux, juste sans mettons, on prendrait toutes les tunes de Guilty Gear, mettons là, puis on ferait des shows avec, on aurait pour cet épisode. Wow, ouais, c'est clair. Tabarouette. Il y en a vraiment des bonnes tunes. Peut-être qu'à la limite, le jeu il est juste bon. Je me suis jamais arrêté en essayant. J'ai regardé du gameplay, ça avait de l'air un peu slow. Pour un jeu de combat, ouais. Là, quand c'est lent. En tout cas, j'ai pas trop à parler. Faudrait que je joue pour avoir faudrait vraiment qu'on l'essaye. Mais la bande originale est excellente. Parce que, écoute, triper sur une bande originale de même, là, ça n'a pas de sens. Fait qu'on se fait un recap de tout ça, mon ami. Oui, la première, on a le Battle Team du jeu Lunar. Ensuite, on a le très célèbre Mega Turrican, le stage 1, donc le thème 1 sur Mega Drive. Après ça, on a le chat de Garfield, Nefertiti, au PlayStation 2. Le jeu Mana Kimia, Nefertiti. Bonne écoute. Ouais, bonne écoute. We'll be right back. Bloc numéro 4. Oh yeah! Qu'est-ce qu'on a comme premier, mon farfadou? Écoute, mon petit farfadet, on a la très célèbre et non la moindre, excessivement très bonne toune de Portal. En fait, la toune de fin de Portal, Still oui. Alive. Vraiment sweet, cette chanson-là. Oui, c'est tellement le fun, c'est tellement juste. Et puis là, écoute, mon dom, on est tellement des bons animateurs dans la vie qu'on a oublié de spécifier une autre chose. Oui. On a décidé, parce que, bon, là, ça fait... Lorsque vous l'entendez présentement, ça faisait un bout qu'on n'avait pas enregistré. On a fait ça un peu rapide. D'habitude, on vous donne tout le nom des compagnies, des jeux, tu sais, qu'on... Mais c'est vrai. Pour cet épisode-là, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire parce que... On est un peu serré dans le temps. Et ceci étant dit, je veux juste vous demander, très chers auditeurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez qu'on vous donne justement le nom des concepteurs et tout ça, qu'on fasse vraiment une grosse description détaillée, ou non? Tu sais, on fait juste dire nos impressions du jeu, puis straight to the point. Fait qu'en même temps, on va savoir qu'est-ce qu'il y en est, si vous aimez ça ou pas. Puis prochaine fois, ben, on va le faire tout simplement. Voilà, excusez-moi, c'était juste pour mettre des choses au clair. Maintenant, revenons à Portal. Portal! Qui n'a jamais joué à Portal? Si t'as jamais joué à ça, dude, il faut que tu joues à ça. C'est vraiment écœurant. Écoute, Still Alive, avec GLaDOS elle-même qui chante. Ah, c'est que c'est écœurant. C'est juste écœurant. J'ai acheté cette tune-là sur iTunes, un méchant bout, parce que Mané, Radio Talbot l'avait mis sur son show. Oui. Puis Radio Talbot, qui est un podcast québécois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, mais. J'ai tellement aimé réécouter cette tune-là dans mes oreilles que là, j'ai décidé d'acheter. Elle te rend tellement heureux, tu sais, toute sympathique, là, tu sais. Des paroles, tu sais, c'est comme t'es mort, mais je t'ai encore en vie. Ah ouais, elle toi, au fond, il a fait des jokes. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ce qui fait que cette tune-là, c'est juste magique, c'est juste merveilleux. Moi, je l'adore, tout simplement. Ouais. C'est une belle surprise. On finit Portal 1, puis il y a ça, tu sais. Puis... Ouais, c'est ça. Mais ce qui se passe à la fin, oups, là, c'est comme. elle a fait comme te reparler avec une chanson, pis là, tu sais, t'as pas gagné. T'as pas gagné, mais j'étais encore en vie. Ah, t'es mort, mais j'étais encore en vie. Non, ben, tu sais, t'auras pas de gâteau, mais j'étais encore en vie. C'est la fin de même. c'est juste parfait. The cake is a lie. Ça, c'est le genre de tune, je pense, qui a marqué. Non seulement la musique de jeu, je trouve la communauté de la musique de jeu, mais les développeurs, tu sais. T'as eu après ça Quantum Tenenbaum, je pense, qui ont fait une toune, tu sais, qui ont fait un jeu assez similaire à Portal, puis je pense d'ailleurs celle qui a fait Portal originalement, qui a fait ce jeu-là. Puis la toune thème est vraiment malade. Puis je t'avais déjà fait écouter, puis c'est sûr qu'elle va se ramasser dans le show à un moment donné. Puis je trouve que c'est le genre de toune qui est marquant pour une génération. Portal, tout ce qui se relate à l'univers de Portal, ça a marqué les gamers, tu sais, les petites tuerettes dans le jeu, ça, l'espèce de cube là, le cœur dessus, le gun en tant que tel, le gun de Portal. Ah, exact. Tout ce qui est relaté à l'univers de Portal, tu sais, aller sur ThingGeek, là, puis il y a tellement des affaires, là. Des espèces de cubes de glace. Ah, oui. T'as des espèces de tatous de Portal, t'as les guns. Ça n'a pas d'allure, tu te rends malade à regarder ça. Ah, mais ça nous coûterait cher, en fait. Non. Mais... Puis après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Curse of Iron Pipe du jeu La Mulana. Curse of Iron Pipe, dans le fond, c'est la malédiction du tuyau de fer. Ouais. Ok, j'ai jamais joué à La Mulana. Non plus. Puis je sais que Sébastien, mon collègue, l'a joué. De ce que j'ai entendu dire, c'est Chris Manta. Vraiment. En tout cas, la musique, elle donne le goût de continuer parce qu'elle est bonne, hein, Christy? Genre. Vraiment, c'est assez débile. Le gameplay, ça ressemble un peu à Castlevania aussi, genre. Même, écoute, le monde, on a parlé de Dark Souls, tellement niveau difficulté comparatif. Là. Ok. Ça doit être dur sur un siège de temps. Ouais. Je sais pas. Ça me donne le goût de jouer, mais le fait que ce soit comme trop dur m'empêche. Ben, pas m'empêche, mais ça m'a slacké. Je m'en allais l'acheter. Puis quand j'ai entendu les impressions de Seb, j'ai comme fait peut-être attendre un rabais. Ouais, des fois, quand c'est trop dur, quand ça devient frustrant, des fois, c'est tannant. C'est un peu un turn-off. En tout cas, la difficulté des jeux, ça dépend. C'est un autre débat. On va en reparler. Là. Des fois, il y a des jeux durs, mais qui. Tu sais, regarde, je prends un exemple. Vite, mettons Super Meat Boy. Quand Super Meat Boy, je suis mort peut-être 2000 fois. À la fin, il te le dit. Mais je m'en foutais parce que c'était tellement. C'était rapide. Ça prenait une seconde, je revenais, puis tu sais, je repartais. Fait que, tu sais, ça dépend. S'il y a tout le temps une séquence longue à faire, un grand loading, tu sais, c'est... En tout cas, bref. Comme Ghost and Goblins. Ouais, exemple. Puis, tu sais, si tu sais que dans ton jeu, tu vas mourir excessivement souvent, tu sais, il faut que tu le construises en conséquence. Ouais. Tu sais, Super Meat Boy était construit en conséquence, puis je pense que la Moulana, tu sais, il y avait peut-être une job, justement, du fait que tu mourrais souvent. Faut voir ces affaires-là. Faut pas que tu te tannes à un moment donné. Oui, ton jeu, il est dur, mais fais pas en sorte qu'on soit... Tu sais, le joueur, à un moment donné, il va se tanner. Ouais. Puis il fera pas une bonne réputation sur ton jeu, puis ton jeu se vendra pas. Mais en même temps, le monde, il y en a qui aiment ça. Fait que, c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Bon, la prochaine. Écoute, la prochaine, on a Perfect Dark. Puis qui n'a pas joué, qui n'a pas aimé Perfect Dark? C'est la toune des credits. Les credits, mon homme. On aime ça, les credits. Credits. Les credits. La fin, donc finalement, la chanson de la fin, qui est un peu medley de tout ça, qui fait très James Bond-est. Ouais. Ouais. Ah, mais... Moi, j'ai fait le saut quand je l'ai entendu la première fois, là, ça... Elle est pas douce, là. C'est vraiment du gros rock, là, avec la guitare, puis la... Puis... Ça fait penser, justement, un peu à GoldenEye, justement, 007 au 104, tu sais. C'est fait par la même gang, aussi. Fait que ouais, c'est vrai, la musique de la fin est un petit peu similaire. Ouais. Hein, c'est vrai. Ça fait... La grosse guitare, puis tout ça, puis ça bûche, là. Ouais. Puis il y a des espèces de sons, aussi, un peu reliés à Perfect Dark, là. Des sons un peu... Alien, en parenthèse, c'est vrai. En tout cas, ouais. Bref, je me comprends, mais vous allez voir en l'écoutant. Oh, ouais, c'est vraiment que. Fait qu'on se fait un petit recap. Ouais, fait que la première, on a Still Alive de Portal. On a la malédiction du tuyau de fer avec la Mulana. Après ça, on a les credits. Les de credits. Perfect Dark. Oh, yeah, les credits. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. People who are still alive. And you need me. night, Miss Dark. Et on est déjà rendu à la fin de ce merveilleux podcast. Ouais. Maudit que c'est plate. Mm. Mais c'est la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté. Oui, on apprécie beaucoup. Et on voulait vous dire également, Dom, qu'est-ce qu'on voulait dire aux écouteurs? On a une nouvelle musique d'introduction. Yes. Puis là, ben écoute, la nouvelle toune d'intro, j'ai posté un billet sur Fun Jouer Jeu dernièrement, qui c'est un album... T'avais plusieurs artistes qui faisaient des. Bon, qui avaient écrit des tunes originales, qui avaient fait des remixes. Et moi, la tune de Minami Matsumae, qui a fait Mega Man 1 et 10, entre autres, j'ai vraiment trippé dessus. Puis j'ai eu une espèce d'image mentale que ça pourrait être notre nouvelle tune d'intro. Donc, je l'ai acheté. Donc, One Shot, One Kill très de bon Minami Matsumae est maintenant notre nouvelle tune d'intro. On espère que vous appréciez, parce que moi, j'adore cette chanson-là. Si vous l'aimez, allez sur SoundCloud, l'acheter. Ça vaut vraiment la peine. Puis. On a une nouvelle musique de fin aussi, c'est le Late Goodbye de Max Payne 2. Yeah. La toune, ouais, hey, ça c'est vraiment excellent. Solide, oh, tabarnache, ouais. Ça là. La toune de fin. Vraiment bonne comme musique. On espère que vous avez aimé l'épisode, hein, Dom? Moi j'ai eu du fun. Mais, je faisais un bout qu'on n'avait pas fait. On va essayer d'être plus régulier un peu, par oui, exemple. Oui, on va essayer d'être... Oui, ça va probablement se faire, justement, régulièrement, parce vu que tu es en vacances. Oui, c'est ça. Aussi, donc, on va essayer de faire ça régulièrement. L'été s'en vient, puis nous autres, je pense pas prendre de break l'été, de toute façon. Non. Ben, tu sais, c'est pas comme si c'était si dérangeant que ça. Puis je veux dire, on a du fun à faire ce qu'on a à faire. Suivez-nous évidemment sur Twitter et sur Facebook. Donc, vous tapez Geek, des trémas ou pas de trémas, Rama sur Twitter. Twitter, on a vraiment maltraité notre fil Twitter excessivement. Bon, je vais essayer de mettre plus de trucs, mais on s'entend que Twitter, ça va être vraiment juste pour annoncer les épisodes. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, qui nous écoutent, puis qui sont sur Twitter, moi, je vais vraiment poster les nouveaux épisodes. Peut-être des messages, des teas, des choses comme ça. Mais vraiment, ça se passe sur Facebook. Fait que venez nous rejoindre, venez nous jaser de musique de jeu. Qu'est-ce qui vous fait triper? On aime toujours ça. Le Gmail aussi, c'est Geekorama. Ben, Geekorama 3110. Ouais, 3110. Commercial gmail.com. Gmail.com, que ça fait une éternité que j'ai pas été. Donc, il doit avoir du stock. C'est marqué d'ailleurs sur le Facebook. Sur le Facebook, on peut voir le Twitter puis notre adresse. Puis en passant sur Facebook aussi, là. Faut remarquer il y en a qui ont sûrement remarqué les musiques du jour. Eh oui, les musiques du jour. J'en poste pas tous les jours. Des fois, je l'oublie, je manque de temps. Mais j'essaie d'en poster le plus possible à une tous les jours. On est rendu, je pense, au numéro 23. Je pense que c'est 26. Mais de ce que j'ai vu, le monde aime ça. T'sais, ça rappelle des souvenirs. Je pense que la dernière tune que tu avais postée, c'était une tune de Super Mario RPG, quelque chose comme ça. Oui, le combat contre Smitty. Ouais, c'est ça. Fait que non, moi, j'adore ça. Donc, suivez-nous. Ça vaut vraiment la peine. Vous allez faire des belles découvertes. Oui. Merci d'avoir été là. Donnez-nous vos commentaires et, as always, on va vous voir au prochain épisode. On vous laisse sur Late Goodbye de Max Payne 2. Poet of the Fall. Merci beaucoup. Allez là. In a headlight, staring bleak, beer cans, deer's eyes, on the asphalt. Underneath our crushed plans and my lies, lonely street signs, power lines, they keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving into the night. It's a late goodbye. Such a late goodbye, and we keep driving into the night. It's a late goodbye. Your breath hot upon my cheek, and we cross that line. You made me strong. I was feeling weak, and we crossed that one time. Screaming stop signs, staring wild eyes, keep on flashing, flashing by, flashing. And we keep driving Our trails gone cold behind us. Till in the John mirror you stare at yourself grown old and weak. We keep driving into the night. It's late.